Wegen dem, was wir eben gesagt haben, bevor wir angefangen haben zu beten, möchte der Herr, dass wir jetzt zur Apostelgeschichte 4 gehen. À cause de ce qu'on vient de lire, l'Éternel veut qu'on puisse lire Actes des Apôtres 4. Praise the Lord. From verse 31. Acte 4, verset 31. Praise the Lord. And when they had prayed, the place was shaking, yet they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. And they speak the word of God with boldness. Verse 32. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That flat is not your flat alone. That room is not your room alone. Cette maison que tu vois là, c'est pas la tienne. Cette chambre que tu vois là, c'est pas la tienne. Whatever you say, you believe you have, it's no longer yours alone. Was immer du glaubst zu haben, es ist nicht mehr dein allein. Tout ce que tu penses que ça t'appartient, c'est pas à toi seul. Praise the Lord. Yeah. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessor of lands or houses sold them and brought the prices of these things that were sold and laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I hope you understand it. Amen. Everything belongs to us together. Alles gehört uns allen. Donc tout ce que on a, ça nous appartient nous tous. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Let us have one spirit and one soul. Lass uns einen Geist und eine Seele haben. On doit avoir un esprit et un âme. It's not from the. It's not the beginning. Continuously, because you can say yes. Somebody staying with you for today, tomorrow, then after a week, it's becoming a problem. Mm-hmm. You can see your eyes, your attitude. Mm-hmm. You want to be alone. You need your privacy. Mm-hmm. You can. Everything is becoming to change. Mm-hmm. You are not hiding yourself in one room. Are you getting it? And you are. People are not running away. People become, they were there because they don't want to disturb you. If you feel that people are disturbing you, they don't want to disturb you. Yeah. That's, you don't want Christ to be where you are. Christ never disturbs us. Amen. I don't, if you, are you getting it? If you, that alone should, your new attitude should help us to know that we are getting out of the line. That it is no longer Christ, your focus is no longer Christ but you. If not, the change will not just come, just like that. Mm-hmm. Amen. Yeah. That you know, after some time, weeks, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, people are noticing something, and they are not saying, "Okay, it's better." You did not tell them to go, but your action, your reaction, is becoming funny, and they can see that you don't want anyone. It's no longer Christ for you. It's now you, for you. Amen. Yeah. Let us stop it, please. Let us learn to stop it. It's wrong. Very, very wrong. Amen. Amen. We are never tired of Christ. Amen. And Christ is never tired of us. Ja. Es ist wichtig, dass wir niemals anfangen, uns voreinander zu verstecken, weil wir einander als eine Last oder eine Bürde sehen oder als nervig ansehen, weil wir zum Beispiel nicht unseren eigenen Raum haben oder unsere eigene Privatsphäre sozusagen. Na, weil es kann so weit gehen, dass man dann anfängt, sich voreinander zu verstecken oder anfängt sogar eine teuflische Attitude gegenüber Geschwistern zu haben und dass auch Geschwister das halt auch merken und dich dann halt auch deswegen dann halt auch meiden, deiner Nähe zu sein, weil klar geworden ist, dass du die Präsenz der Kinder Gottes oder bestimmter Kinder Gottes als lästig ansiehst, ne? Weil jeder kann vielleicht einen Tag oder zwei oder drei Tage jemanden bei sich aufnehmen. Wenn es dann halt für längere Zeit ist, dann zeigt sich auch wirklich, ob man die Person wegen Christus aufnimmt oder einfach nur aus fleischlichen Gründen. Und deswegen sollten wir Christus in unseren Geschwistern sehen und deshalb Christus auch niemals satt haben, in unserer Nähe zu sein, in unserem Haus zu sein. Und auch unser Haus gar nicht mehr als unser Haus zu sehen, sondern als das Haus von Christus zu sehen. Und deswegen ist dann halt auch Christus mehr als nur willkommen, sondern zu Hause. Donc, ça signifie qu'on doit vraiment faire attention que c'est pas un problème d'inviter, de dire à tes sœurs et tes frères, oui, tu es toujours bienvenu dans ma maison et chez moi à la maison, mais après quelques, parce que tu dis que tu vois l'Éternel, mais après quelques jours, tu commences, à te sentir, tu as besoin de ta place pour toi-même, tu commences, tu as tes propres combats et tu commences à te voir toi-même et tu as besoin de ta place pour toi-même, que ça devient un peu plus difficile à être avec les gens. Ça là, c'est pas le Christ, pour le Christ, nous sommes tous un et ça ne doit pas être comme ça et on doit vraiment y réfléchir et y repentir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, some we said they are not used to people. Amen. We are not telling you to be used to people. We are telling you be used to Christ. Mm. Because it's not people that are living with you. Mm. It's Christ that is living with you. Amen. Und einige Leute berufen sich dann darauf, dass sie halt einfach nicht daran gewöhnt sind, mit Menschen zu leben. Aber wir bitten dich nicht darum, mit Menschen zu leben oder an Menschen gewöhnt zu sein. Wir bitten dich darum, an Christus zu gewöhnt sein und mit Christus zu leben. Mm. Et on te dit pas on sait, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ben, moi je suis pas habitué à vivre avec les gens, mais on te dit pas de vivre avec les gens, d'être habitué à vivre avec les gens, mais être habitué à vivre avec Jésus-Christ. And I thank the Lord Jesus for all the arrangements concerning the house or flat the children are looking for. Mm. And how the children want to move to and live together. Mm. Because it's Christ living with Christ. Mm. Deswegen, ich freue mich wegen der ganzen... I'm so pleased. I love this place. Mm. Ich freue mich wegen diesen ganzen Dingen, die momentan organisiert werden. Dass Christus mit Christus zusammenlebt, dass man zusammen eine Wohnung sucht. All das. Und der Herr so hat Gefallen daran, dass wir als Einheit einfach agieren und leben möchten. Et je remercie l'Éternel parce qu'il y a d'autres des enfants ici à l'église qui ont pris l'initiative, qui sont en train de chercher à vivre ensemble et ça c'est vraiment le Christ, vivre avec le Christ et je suis vraiment très contente à apprendre ça. Amen. The Lord want to bring you out of the debt you have been living because for you it has all been all about you and now it's about Christ. All about you mean debt. So it should be all about Christ so that he can live in you and live through you. Everything he is. You know, once he comes into your life, he deposits everything into you, and he wants them to come out. Until you is out, he can't do nothing. Und der Herr möchte dich verändern. Er möchte dich sozusagen brechen und etwas anderes, was in dir vorher war, dein Selbst, worauf du gebaut hast, you. Was du festgehalten hast, rausnehmen, damit er sich selbst in dich hineinlegt. Leave it alone. Et l'Éternel veut que il veut vraiment te briser en fait, briser la mort en toi, parce que quand il s'agit que de toi, que tu vis de toi-même, tu as besoin de ta place, et c'est la mort parce qu'il s'agit de toi. Mais quand il veut te briser, quand il veut te mettre avec tes frères et sœurs pour que tu puisses être libre en lui, pour que tu puisses apprendre qu'il ne s'agit pas de toi mais s'agit de lui. Actually, it's the Lord. No, you should be grateful that he wants to deliver you. Du sollst dankbar sein, dass er dich erlösen will, dass er überhaupt Interesse an dir hat. Out of you. Na, dich von dir selbst retten möchte, dich vor dir selbst retten möchte. Donc normalement tu dois être tu dois te sentir béni en fait que de savoir que l'Éternel veut te sauver en fait, il veut te sauver de la captivité que tu as en toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Welcome in Jesus' name. Vous êtes alle willkommen in Jesus' name. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Today we quickly go finished that of debt consolation. Then we go to the message of that the Lord has for us today, which is God kind of trust. Mm. Wir werden die Botschaft über die Schulden, den Schuldenerlass zu Ende bringen heute und dann geht es weiter mit das mit dem Thema Vertrauen. Aujourd'hui, on va clôturer avec le thème de paiement de dette et on va continuer, on va commencer avec notre nouveau thème qui est la confiance de Jésus-Christ, la manière à laquelle l'Éternel fait confiance. All our debt has been paid by Christ Jesus. All nos Schulden wurden beglichen durch Jesus Christus. Tous nos dettes ont été payées par Jésus-Christ. We are not debtors. Wir sind keine Schuldner mehr. On n'a plus de dettes. Amen. Amen. He paid the price. Er hat den Preis bezahlt. Il a payé le prix. Amen. Our problems have been solved by Christ Jesus. Alle Probleme wurden gelöst durch Christus Jesus. Tous les problèmes ont été résolus à travers Jésus-Christ. If he paid the greatest, he has paid the least. Wenn er das Größte bezahlt hat, hat er auch schon das Kleinste bezahlt. Si, il a payé le plus grand, donc il a aussi payé le plus petit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, again, all problems have been solved by Christ Jesus. Alle Probleme. For believers and non-believers. Wurden gelöst für Gläubige und Ungläubige. Donc tous les problèmes ont été résolus pour les croyants et aussi pour les incroyants. Amen. Mm. It is not only us that our problems have been solved by Christ Jesus. He solved the problem of the whole world. Mm. Mm. Und nicht nur unsere Probleme wurden gelöst von Christus, sondern er hat die Probleme der ganzen Welt gelöst. C'est pas seulement nos problèmes qui ont été résolus. Il a résolu les problèmes de tout le monde. Amen. Mm. And that is what God called grace. Und das ist das, was Gott Gnade nennt. Et ça, c'est ce que l'Éternel appelle la grâce. Amen. Amen. That is what God kind of grace is. Das ist Gottes Art von Gnade. Et ça, c'est la grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Go to Titus 2, please. Titus 2. On va lire Tite 2. Amen. Amen. No, the only problem that has been, that is still, is that problem between God and man? Das einzige Problem, was immer noch da ist, ist das Problem zwischen Gott und Menschen. Donc le seul Titus 2, 11, le seul problème qu'il y a eu entre dans l'humanité, c'était le problème qu'il y a toujours aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Éternel et les êtres humains. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Verse 11 of Titus 2. Elf. It says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. All. His grace is for all men. Seine Gnade ist für alle Menschen. Donc, en fait, la grâce de Dieu s'est relevée comme une source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. He paid the price of all men. Er hat den Preis aller Menschen bezahlt. Il a payé le prix pour tous les hommes. Are you getting? Amen. He paid the debt of all men. Il a payé les dettes de tous les hommes. Praise the Lord. Amen. Amen. Well, but we know that it's not all men that are saved. Wir wissen, dass nicht alle Menschen errettet sind. Mais nous savons aussi que nous sommes conscients que c'est pas tous les hommes qui ont été sauvés. We know that it's not all men that believe on him. Aber nicht jeder glaubt an ihn. On sait aussi que c'est pas tous les hommes qui croient en lui. Amen. Amen. If somebody paid the price, you must believe on who paid the price. Weil wenn jemand den Preis bezahlt hat, musst du an die Person glauben, die den Preis bezahlt hat. Parce que si quelqu'un a payé le prix, tu dois croire dans la personne qui a payé le prix. Praise the Lord. Ephesians 2. Ephesians 2. Ephesians 2, verse 8. Ephesians 2, verse 8. Are we there, please? Verse 8. It says, for by grace are you saved through faith. You are saved by grace, but you must believe, you must depend on who paid the price. Du bist errettet durch Gnade, aber du musst an den glauben, der den Preis bezahlt hat. Ephésiens 2:8 nous dit que c'est par la grâce que nous avons été sauvés, mais tu dois croire dans cette grâce pour vraiment être sauvé. Amen. Mm. It says, that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. That's verse 9. Praise the Lord. We are saved by grace through faith. Wir sind durch Gnade errettet durch Glauben. Donc c'est par la grâce que on a été sauvé à travers notre foi. Amen. And that's why you know we are saved by grace and faith. Wir sind errettet durch Gnade und Glauben. C'est pour cela on a été payé par la grâce et la foi. Amen. And both should be balanced, please. Und alle, und beides muss ausgeglichen sein. Et les deux doivent être balancés. We are saved by both. Und durch beides sind wir errettet. Donc c'est à travers tous les deux qu'on est vraiment sauvé. We are saved by grace. Wir sind durch Gnade errettet. C'est à travers la grâce qu'on a été. Aber nicht ohne Glauben. Donc c'est à travers la grâce qu'on a été sauvé, mais pas sans la foi. We are saved by grace, but you need your faith so that it belongs to you. Du brauchst deinen Glauben, damit dieses, damit diese Errettung dir gehört. Donc tu es sauvé par la grâce, mais tu as besoin de ta propre foi pour être sauvé. You are not just saved by grace alone. Du bist nicht nur durch aus Gnade rettet. C'est pas seulement par la grâce que tu as été sauvé. We are not also saved by faith alone. Genau, sind wir auch nicht nur durch Glauben errettet. Et c'est comme ça aussi que tu n'es pas seulement sauvé à travers la foi. I hope you understand what I'm saying. Amen. To be saved by grace alone means you don't need to believe on Christ. Durch Gnade allein errettet zu sein bedeutet you don't need to believe. Dass du nicht glauben musst, um errettet zu sein. Parce que être sauvé à travers la grâce, seulement à travers la grâce, ça signifie que tu n'as pas besoin de croire que tu as été sauvé. It means the whole world they are saved right now. Das heißt, die ganze Welt wäre dann errettet. Si tu étais sauvé seulement par la grâce, ça signifie que tout le monde a été sauvé aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Grace alone. Mean Christ Jesus does not need your faith. Amen. Gnade allein bedeutet, dass Christus Jesus seinen Glauben nicht braucht. Donc seul à travers la grâce, ça signifie que l'Éternel n'a pas besoin de ta foi. He needs your faith. Er braucht aber deinen Glauben. Mais lui, il a besoin de ta foi. Even before the payment. Vor der Zahlung. Même avant le paiement. If you go to Mark 5. Markus 5. Si tu lis Mark 5. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mark 5. Let me quickly show you something there. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 5. Praise Mark the Lord. 5. Mark 5. Here we help you to understand it better. You know, you remember the woman with the issue of blood. Erinnert euch mit, an die Frau mit den Blutungen. Vous vous rappelez de la femme avec le problème des sangs? You know, this woman touched the garment, Christ's garment. Diese Frau hat den Saum von Jesus berührt, den Saum seines Mantels. On va le lire ensemble que la femme elle a touché le manteau de Jésus. On va le lire ensemble. Mark 5 from verse 25. Markus 5, 25. Mark 5 verset 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians. And has spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. Verse 27. Verse 27. When she had heard of Jesus, she heard of Jesus. Sie hat von Jesus gehört. Faith comes by hearing. Donc, Glaube kommt durch Hören. Donc, il y avait cette femme qui était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, et elle a écouté parler de Jésus-Christ. Et donc, on voit que la foi vient à travers l'écoute. Praise the Lord. Hallelujah. Came in depressed behind and touched his garment. Mm. For she said, if I may touch but his cloth, I shall be whole. And straight away the fountain of her blood was dried up. Mm. and she felt in her body that she was healed of that plague. Amen. Amen. Amen. Verse 30. And Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And his disciples said unto him, "Thou seest the multitude thronging thee, and said thou, who touched me?" Praise the Lord. Hallelujah. Who touched me? Wer hat mich berührt? Donc elle a dit qui m'a oui, en fait cette femme là a touché le manteau de Jésus-Christ et il a vu qu'il y avait une puissance qui est sortie à travers lui de lui et puis il s'est demandé mais qui m'a touché? Praise the Lord. Hallelujah. Alors something is here. Amen. Amen. And his disciples everyone is touching you. Then why ask this question? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And he looked around about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, "Daughter, your faith." That's where I'm going to. Your faith. Dein Glaube. It is not without your faith. All of them can be healed, but with your faith. Alle können, all of them, the price of their healing has been paid. No. But it's not without faith. Alle können geheilt sein. Faith. Oder werden sozusagen, aber nicht ohne Glauben, denn dieser Preis, an diesen Preis muss geglaubt werden. Mm. Donc en fait, à verset 34, Jésus dit à la fille, à la femme, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Donc c'est, tu dois avoir la foi pour recevoir la grâce que l'Éternel t'a accordée en fait. Amen. Amen. You say, you know, in verse 27, say when she had heard. Of Jesus, she heard of Jesus, and she now had faith. The faith did not come from outside Christ. It came from the word. Le glaube kam aus dem Wort. Donc verset 27 nous dit que quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a cru. Donc la foi ne vient pas à travers l'extérieur, ça vient à travers l'intérieur. No, that faith is Christ. Auch wenn dieser Glaube Christus ist. Malgré cette foi, c'est le Christ. And Jesus said. In the verse 34, he said, and he said unto her, "Daughter, your faith, that faith is no longer, you know, her faith is now your faith. It's no longer just Jesus' faith, but your faith." Dieser Glaube, obwohl Christus ist, ist dieser Glaube dann aber nicht mehr sein Glaube in dem Sinne, sondern dein Glaube, den du an ihn angewendet hast. Donc, elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a eu la foi en Jésus-Christ, mais elle a elle a fait donc la foi de en Jésus-Christ qui était Jésus-Christ, elle a fait de sorte que ça puisse être sa propre foi. Donc elle a elle a changé cette foi là et cette foi c'est devenu la sienne, la propre. Donc elle a cru en Jésus-Christ et c'est pour cela elle a été capable d'être guérie de sa propre foi. If you look at the faith here, that faith itself is Christ. Dieser Glaube selbst ist Christus. Donc cette foi en soi, c'est le Christ. Are you getting it? Mm-hmm. Without Christ, this faith, this woman cannot have that faith. They need the word to have the faith. Denn ohne Christus kann diese Frau nicht glauben. Sie braucht ihn, um zu glauben. Sie braucht das Wort, um zu glauben. Parce que sans cette foi, l'Éternel ne peut c'est sans la foi, cette femme-là ne peut pas être guérie. Elle a besoin de la foi pour être guérie. Faith is one of the fruit of the spirit. Galatians 5:24. Donc la foi c'est un fruit de l'esprit. Amen. Amen. And that faith must become your own property. Und dieser Glaube muss zu deinem Besitz werden. Donc cette foi doit être ça doit devenir la tienne. Your Christ free you. T'appartenir. Dein Christus hat dich errettet. Donc c'est ton Christ, c'est ton Christ qui t'a sauvé à la fin. Your Christ, your faith. Dein Glaube an Christus, dein Glaube hat dich frei gemacht. Donc ta foi en Christ, donc la tienne. Amen. C'est ça qui t'a sauvé en fait. Praise the Lord. Alleluia. Amen. It's not just faith without Christ. Mm. Es ist nicht nur Glaube ohne Christus. Donc c'est pas seulement la foi sans Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. Those that know they want to remove Christ Jesus out of everything. Die Leute, die Christus Jesus aus allem rausradieren wollen. Pour tous ceux qui veulent effacer Jésus-Christ de tout en fait, de dire, il s'agit de la foi mais they pas. They say if you have faith, you will it could happen. No, there's nothing like faith without Christ Jesus. Once you come to the kingdom of heaven. Die dir sagen wollen, wenn du Glauben hast, dann kannst du alles machen, aber ohne Christus Jesus hast du keinen. Il y a beaucoup de gens qui disent que ben, tu dois seulement y croire et tu vas y arriver en fait. Donc ils veulent toujours enlever le Christ de tout en fait. Mais ce n'est pas, c'est pas le cas. Parce que tu dois croire en Christ pour que ça puisse être la vérité. Sans le Christ, ta foi, ça ne sert à rien. The Bible says we are saved by grace through faith. Die Bibel sagt, wir sind durch Glauben an, sind aus Gnade. Durch Glauben errettet. Donc la Bible nous dit que c'est dans c'est à travers la grâce c'est nous sommes sauvés par la grâce à travers notre foi. You can see that this woman was healed by grace through faith. Diese Frau wurde aus Gnade durch den Glauben errettet. Donc on peut voir que cette femme était vraiment sauvée par la grâce à travers sa propre foi en Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Though there is no, we have no, we are not going to be healed. We are already healed. Heute ist es nicht mehr, wir werden geheilt und wir sind schon geheilt. Et pour nous aujourd'hui, il s'agit pas d'être de dire que on sera sauvé, mais nous sommes déjà sauvés. Amen. Amen. Amen. Grace alone means Christ Jesus does not need your faith. He needs your faith. Gnade alleine bedeutet, dass Christus Jesus seinen Glauben nicht braucht, aber du brauchst, er braucht deinen Glauben. Er braucht dieses Wort. Du brauchst dieses Wort, um zu glauben. Donc quand tu dis que ben, la grâce ça suffit, ben, j'ai pas vraiment besoin d'avoir la foi. La grâce, ça signifie que ça n'a pas de sens parce que c'est toi qui as besoin d'y croire, de croire dans cette grâce pour que ça puisse t'appartenir, pour que tu puisses être sauvé à la fin. Amen. Tu as besoin de sa parole. Grace alone means if you believe or not, you are saved. Gnade allein würde bedeuten, dass wenn du es glaubst like oder nicht, du bist errettet, aber das gibt es nicht. Parce que si tu étais, tu pourrais, si il s'agissait seulement d'être sauvé seulement par la grâce, ça signifie alors que tu n'as pas besoin de croire, donc tout le monde sera sauvé sans sa parole en fait. You know why there can never be anything like that because you are not the creator. Weil du nicht der Schöpfer bist. Et tu sais pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que c'est insensé de penser que sans la foi tu es sauvé parce que tu n'es pas le créateur en fait. You can never worship yourself. Weil du dich selbst anbeten kannst. Tu n'es pas capable à te glorifier toi-même. And you can never save yourself. Weil du dich auch selbst nicht retten kannst. Et tu ne peux pas parce que tu peux pas aussi te sauver toi-même. You need a savior. Du brauchst einen Retter. Tu as besoin d'un sauveur. Praise the Lord. Alléluia. The faith alone means you don't need Christ. To be saved. That's faith alone. Und Gnade allein, Glauben alleine bedeutet, dass du Christus nicht brauchst, um errettet zu sein. Et penser que seulement par ta foi tu es sauvé sans la grâce, ça signifie que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ et de son œuvre pour être sauvé. You don't need him to even come here to be saved. Er hätte sich seinen Weg hierhin sparen müssen sollen, weil du brauchst ihn nicht, um errettet zu sein. Ça signifie que tu n'as même pas besoin que puisse venir se sacrifier ici, qu'il n'allait pas avoir besoin, qu'il ne pouvait pas venir ici pour se sacrifier pour que tu puisses être sauvé. Faith alone means you don't need his blood. Christ's blood is dead. Bedeutet, du brauchst sein Blut nicht. The payment. Du brauchst seine Bezahlung nicht. Du brauchst sein Blut nicht. He came here in vain. Er ist vergeblich hingekommen. Donc, seulement dire que ben, c'est seulement à travers ma foi que je suis sauvé, j'ai pas besoin de sa grâce, c'est comme si tu disais à Jésus-Christ qu'il est venu ici en vain. Il est venu, il a fait couler son sang, mais c'était tout vanité. Amen. Faith alone means your own good is your salvation. Glaube allein bedeutet, dass deine eigenen Werke deine Errettung sind. De dire que tu es sauvé seulement à travers ta propre foi, ça signifie que c'est seulement à travers tes propres œuvres que tu peux être sauvé. Amen. But remember, Christ never called what this world called good, good. Aber erinnert euch daran, Christus nennt niemals die guten Werke dieser Welt gut. Et rappelle-toi que l'Éternel, il ne considère pas le bien de ce monde comme bien. Amen. Mm-hmm. This world can only know what this world calls good. Diese Welt kann nur verstehen, was sie selbst als gut bezeichnet. Parce que ce monde terrestre peut seulement penser, croire que le bien, croire au bien de ce monde, pas au bien du Christ, de l'Éternel. And everything man calls good is evil before Christ. Aber wir wissen, dass alles, was der Mensch als gut bezeichnet, ist bösartig vor Christus. Mais on est aussi conscient que tout ce que l'être humain appelle bien, c'est mauvais aux yeux de l'Éternel. The fall of man. Seit dem Sündenfall. Depuis la chute de l'homme. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. It was no longer what Christ called good. Es war nicht mehr das, was Christus gut genannt hat, was gut war, sondern das, was der Satan gut genannt hat. Là, après la chute de l'homme, il s'agissait plus de ce que l'Éternel appelle bien, mais il s'agissait maintenant de ce que le diable appelle bien. If Christ called what man called good, evil. No one can be saved with evil or by evil. If Christ called what man called good evil, wenn Christus das, was der Mensch gut nennt, als bösartig bezeichnet, si l'Éternel appelle ce que l'être humain dit que c'est bien, s'il dit que c'est mauvais, no evil can do good. Dann kann nichts Böses Gutes vollbringen. Donc ça signifie que tout le mal selon lui ne peut pas faire quelque chose de bien. No evil can save you. Da kann kein Böses dich retten. Donc le mauvais ne peut pas te sauver. The good of this world is evil. Denn das Gute dieser Welt ist bösartig vor Christus Jesus. Vu que le bien de ce monde est le mal devant est mauvais devant l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Everything good. He said there is no good in man. Es gibt nichts Gutes im Menschen, sagt die Donc, Bibel. Parce que la Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas de bien dans ce monde. Il n'y a pas du bien dans ce monde. Praise the Lord. Alléluia. And that's why we must know. We must learn and know and you know study what Christ. Allow Holy Ghost to help us to understand what Christ called good. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, damit uns alles beibringt, was Christus gut oder schlecht nennt. Et c'est pour cela on doit apprendre à voir et à considérer et à comprendre ce que l'Éternel appelle ou titulaire quelque chose de bon. Praise the Lord. Hallelujah. We will quickly go to our message now. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God kind of trust. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Botschaft, Gottes Vertrauen. Et maintenant, on va commencer avec l'autre message d'aujourd'hui qui est la confiance de l'Éternel. Amen. Amen. What Christ called trust. Was Christus Vertrauen nennt. Ce que l'Éternel appelle confiance. What the only true God called trust. Was der einzig wahrhaftige Gott Vertrauen nennt. Ce que le seul vrai bon Dieu appelle confiance. And what the only true God called trust is what we are to call trust. Und das, was der einzig wahrhaftige Gott If als Vertrauen bezeichnet, are citizens of heaven. Sollten wir auch als Vertrauen sehen, wenn wir Bürger des Himmels sind. Et si nous sommes des citoyens du royaume des cieux, on doit considérer sa définition de confiance. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. This world as a whole have its own kind of trust. Denn diese Welt hat ihre eigene Definition von Vertrauen. Diese satanische Welt. Et ce monde perdu a sa propre définition de confiance. They have their own everything. Von allem haben sie ihr eigenes. Tout ce que l'Éternel possède, le monde le possède aussi, mais à sa façon, à sa propre manière. Amen. No love. Liebe. Peace. L'amour, par Job, exemple. Job, everything. No boyfriend and girlfriend's love. Because yeah. parents and children love. What they call love. They are evil. Mother's Day, Father's Day, so evil. Should be Christ our mother. Amen. Christ our Father. Amen. And not celebrating Satan. Mm-hmm. Celebrating the flesh is celebrating Satan. Amen. Ihre eigene Definition von Liebe, Liebe in verschiedenen Beziehungen, Liebe zwischen einem Freund und einer Freundin, Liebe zwischen Vater und Kindern, zwischen Müttern und Kindern, zwischen Müttern und Vätern, wie wir das auch sehen in den Tagen, die diese Welt ja zelebriert. Diese Welt zelebriert ja auch diese Tage in Form von Valentinstagen, von Muttertag, Vatertag, Namenstag, aber all diese Tage sind teuflisch, weil das Fleisch zelebriert wird und nicht Christus Jesus. Mm-hmm. Et Ouais, le monde a son sa propre définition de tout, comme l'amour par exemple, l'amour dans les différentes relations, par exemple entre petits copains et petites copines, entre père et fils ou entre mère et fils. Aujourd'hui par exemple c'est la fête des mères, mais si nous sommes des enfants de Dieu, on doit seulement célébrer l'esprit qui est notre père lui-même et pas célébrer la chair, parce que toutes ces fêtes sont des fêtes charnelles et quand on des, ou des fêtes mondaines, et quand on célèbre ces fêtes, on est en train de célébrer le diable. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, the color. Was die Liebe nennen. Ce que le monde appelle amour. So evil. So bösartig. Est tellement mauvais. Until you are now the light, you cannot even see. Und erst wenn du das Licht bist, wirst du es erkennen. Du wirst glauben, dass es gut ist. Et tant que tu n'es pas encore la lumière, tu vas pas reconnaître le mauvais dans l'amour de ce monde. Tu vas toujours être tu es aveuglé. Satan gives there so many ways to come to celebrate him. Der Satan gibt ihnen so viele verschiedene Möglichkeiten, ihn undurchschaut zu feiern. Parce que le diable est si rusé qui donne tant de possibilités, de différentes manières à célébrer sa personne, à fêter sa personne. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Everything. Valentine. Love day. Evil love. Und alles in allem sehen wir das. Ne? Ob es Valentinstag ist oder andere Dinge, wo einfach das Teuflische gefeiert wird. Il y a beaucoup de fêtes mondaines qui sont mauvaises, comme quand la Saint-Valentin par exemple, c'est aussi quelque chose de mauvais. You know, this world they have their own everything and religion accepts all. Und diese Welt hat ihr eigenes alles und Religion akzeptiert das alles. Ja, et ce monde a son propre tout et la religion accepte ce fait. Amen. The difference is the kingdom of heaven. Nur das Königreich des Himmels macht den Unterschied. Seul le royaume des cieux fait une différence. Amen. The difference is Christ. Der Unterschied ist Christus. La différence est le Christ lui-même. Amen. Amen. The kingdom of heaven has its own everything. Das Königreich des Himmels hat sein eigenes alles. Parce que le royaume des cieux, lui aussi, il a ses propres biens. God kind of things. Gottes Besitz. Les biens de l'Éternel. Amen. Amen. To love and to trust are two different things. Lieben und Vertrauen sind zwei verschiedene Dinge. In the kingdom of heaven. Im Königreich des Himmels. L'amour et la confiance sont deux choses différentes dans le royaume des cieux. Amen. Mm. You know, in the natural world, their love, their trust, all of them, they are even the same. Mm. They are all Satan. In der natürlichen Welt, ihre Liebe, ihr Vertrauen, alles hat die gleiche Wurzel. Das ist der Satan, der dahinter steckt. L'amour et la confiance dans ce monde ont la même source qui est le diable. In the kingdom of heaven, to love and to trust are two different things. Im Königreich des Himmels ist zu lieben und zu vertrauen nicht das gleiche. Mais dans le royaume des cieux, l'amour et la confiance sont deux choses différentes. Amen. Amen. So also to forgive and to trust are also two different things. To forgive and to trust. That I forgive you. If I forgive you, does not mean I trust you. Wenn ich dir vergebe, heißt nicht, dass ich dir vertraue. Et tout comme le pardon et la confiance sont deux choses différentes dans le royaume des cieux. Juste parce que je te pardonne, ça ne veut pas dire que je te fais confiance. Praise the Lord. Alléluia. You know, men are religious people. Always mix their love and trust. And their forgiveness and trust. Menschen, religiöse Leute vermischen immer das Prinzip von Lieben und Vertrauen, Vergeben und Vertrauen. Sie vermischen das alles. Mais dans le monde et dans la religion, l'homme mélange toujours l'amour et la confiance, le pardon et la confiance. Once you tell them you forgive them for something, they always, you know, want to turn it to automatic trust. Und das sieht man daran, dass sobald man ihnen vergibt, denken sie direkt, okay, man vertraut ihm wieder. Et dès que tu pardonnes quelqu'un ici dans le monde, automatiquement, pour le monde, ça veut dire que tu fais confiance. La personne a regagné ta confiance. Praise the Lord. Alléluia. Again, to love and to trust are not the same. Aber Liebe und Vertrauen ist nicht das Gleiche. Encore une fois, aimer et faire confiance sont deux choses différentes. So also to forgive and to trust. Nous avons vergeben und vertrauen nicht gleich. Tout comme le pardon et la confiance sont deux choses différentes. In John 3:16. Johannes 3:16. Dans Jean 3:16. The Bible says, "For God so loved the world." Sagt die Bibel. Remember that. Gott hat die for Welt God so, so loved the world, He gave us His Son. Mm. And not for God to so trust the world. Und nicht Gott hat der Welt so sehr vertraut. Et dans Jean 3:16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Pas qu'il a tellement fait confiance au monde, mais parce qu'il a aimé le monde qu'il nous a donné Praise son Fils Lord. Unique. Alléluia. Love and trust are never to be mixed together. Liebe und Vertrauen dürfen niemals vermischt werden. On ne doit jamais mélanger l'amour et la confiance. That I love you does not mean I trust you. Dass ich liebe, heißt nicht, dass ich dir vertraue. Juste parce que je t'aime, ça ne veut pas dire que je te fais confiance. Just like the Lord said in John 3:16, He loves us. He loves the world, but He does not trust the world. Genau wie der Herr an Johannes 3:16 sagt, er liebt die Welt, aber er vertraut der Welt nicht. Et comme l'Éternel nous le dit dans Jean 3:16, il aime le monde, mais il n'a pas dit qu'il fait confiance. Amen. Amen. Christ Jesus is love. That's why John 4:16. Ist Liebe. In 1. Johannes lesen wir das. God is love. Gott ist Liebe. Was war das erste? Christ Jesus is love. Et dans 1 Jean 4, verset 16, il est écrit que Jésus-Christ est l'amour. Amen. Amen. He loves us in spite of who we are. Er hat uns geliebt, unabhängig von unserer Person. Et il nous a aimés malgré notre nature. He loves us because He is love. Er liebt uns, weil er Liebe ist. Il nous aime parce qu'il est l'amour. Amen. Amen. He loves us because He is His own kind of love. Er liebt uns, with weil His er own kind of love. Seine also. Liebe ist, weil er seine Art von Liebe ist. Und er liebt uns mit seiner Art von Liebe. Il nous aime parce qu'il est l'amour et il nous aime avec sa manière d'aimer, avec son propre amour. No one can earn His love. Niemand kann seine Liebe, kann sich seine Liebe verdienen. Personne peut peut se mériter son amour. No, unlike the love of this world, you earn it. The love of this world, satanic love, you earn it. You love, I love you because you love me. But the Lord does not love us because we love Him. Aber Liebe dieser Welt, die muss man sich verdienen. Man liebt andere nur, wenn sie einen auch zurücklieben. Aber im Königreich von Christus Jesus ist das nicht so. Mais dans le monde, il y a toujours une condition pour aimer une personne. Tu dois mériter l'amour de ton prochain. Praise the Lord. In the natural world, your evil love is being earned. In der natürlichen Welt wird die bösartige Liebe verdient. You work hard to get it. Tu dois travailler, tu dois mériter l'amour de ton prochain dans ce monde. Du kämpfst darum, mit allem, was du hast, um geliebt zu werden. Amen. Amen. Amen. Amen. For you know, to earn that love, you know, it depends on you. You must, you work to earn that love. Du arbeitest, um diese Liebe dir zu verdienen. Christ's love, we do not earn work to earn it. We don't work, He just loves you because He's love. Du musst arbeiten, du musst funktionieren, damit das klappt. Aber eine Liebe von Christus, da musst du nichts tun. Du musst einfach nur akzeptieren, annehmen. Encore une fois, dans ce monde, tu dois mériter l'amour, tu dois travailler, tu dois prouver que tu mérites l'amour de ton prochain. Mais Jésus-Christ nous a aimés parce qu'il est l'amour. Donc, son amour est inconditionnel. Amen. Parce qu'il est l'amour. You know, for man and religious people to love you, they must see. They must see your action, your reaction, they must see your nationality, color, the male or female, beauty. You know, there are things they are going to say. See, evil parents, parents, you know, children that obey their evil ways. They love them more than, you know, parents have different, degree of love, but they are different children. Mm-hmm. Depend on how. Amen. Und Menschen oder religiöse Menschen, du musst dir ihre Liebe und ihre Akzeptanz sozusagen verdienen. Du musst Dinge machen, damit sie dich liebenswert finden. Und genauso ist es auch in der Beziehung, die Menschen zu ihren Kindern haben, dass sie einige Kinder mehr lieben, weil dieses Kind beispielsweise das einzige Mädchen ist oder weil das andere Kind den besten, gut bestverdiensten Job in der Familie hat. Also Dinge, die man rauspickt und die man als liebenswert erachtet, um dieser Person Liebe zu schenken. Sie ist immer verdient. Encore une fois, dans ce monde, il faut mériter l'amour. Tu dois travailler pour avoir l'amour de ton prochain. Même l'amour d'une mère ou d'un père envers leurs enfants. Ils vont préférer leur fille comparée à leurs deux garçons parce que peut-être c'est la seule fille. Ou alors ils vont préférer le premier-né parce que c'est lui la personne qui prend soin d'eux. C'est lui la personne qui ramène l'argent à la maison. Donc c'est toujours la source de cet amour est toujours... a toujours des conditions et cette condition va aussi conditionner l'intensité de cet amour. Amen. Amen. What they call good people? Was sie gute Menschen nennen? Ce que l'amour, ce que le monde appelle bon. Amen. Le monde, pardon. Praise the Lord. Alléluia. I remember some time ago, a lady here that was once here told me that her mother. One of the mother's children is in Sweden also, and that boy is the breadwinner of the family per se. He won't send him money. He said before once her mother kneeled down to pray, that boy's name is number one. She called all the time. She never even would pray for herself, but that boy's name, because that breadwinner something must not happen to him. Here. You can see the love of this world. Mm. It's all about things. Ihr seht die teuflische Liebe dieser Welt. Ne? Eine Bekannte hat uns mal erzählt, dass in ihrer Familie hat sie einen Bruder und dieser Bruder wohnt in Schweden und er versorgt sozusagen die Familie, weil er sozusagen den stabilsten und bestbezahlten Job in der Familie hat und und ihre Mutter. Betet immer wieder für ihn und nennt seinen Namen immer als erstes im Gebet, sogar vor ihrem eigenen Namen, weil sie sich einfach denkt, dieser Mann muss weiterleben, damit es unserer Familie weiterhin gut geht. Und deswegen hat er die höchste Priorität in meinen Gebeten vor Gott. Mm. Und das ist einfach bösartig, teuflisch. Et je me rappelle d'une femme qui était ici que je connais. Elle a un frère qui habitait en Suède, je pense, et c'est lui qui s'occupait de la famille, qui s'occupait de ses parents. Et la mère, elle priait toujours pour cet enfant, même avant de prier pour elle-même ou quoi que ce soit, parce que elle voulait être sûre que rien ne puisse arriver à son fils qui prenait soin d'eux. Et tu peux voir que cette raison de la prière était vraiment égoïste parce qu'elle priait, à la fin elle priait pour elle-même, mais tu peux voir que la source de la prière était aussi mauvaise. Amen. Amen. They were parents, they have the children they call good children. Amen. Und auch Eltern, sie haben die Eltern. They obey their ways, their evil ways. They just, they listen to them. It's always there for them. Sie haben ihre Lieblingskinder. They never allow Christ to be there for them. Die Kinder, die immer ihren Job machen, die immer funktionieren, die immer da sind, ihren Job machen und ja. Und ja, diese Eltern dieser Welt, die haben zum Beispiel immer. Et les parents de ce monde, ils ont toujours un enfant, non, un enfant préféré, et un enfant qui vont dire, oh oui, lui c'est mon, même pas c'est mon préféré, mais c'est un bon fils ou c'est une bonne fille parce que elle obéit toujours, elle prend toujours soin de ses parents, elle prend toujours de leurs nouvelles ou quoi que ce soit, mais c'est mauvais. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, there's a tribe in Nigeria. Whoever is being there for them, they can do everything for that person to believe in. Mm-hmm. Tribe, the Yorubas especially. Mm-hmm. They call it their, you know, they call it, there's a name they call that person. That person, if anything is wrong with that person has problem. They see it as their problem. Because somebody is, they call that person their helper. Und es gibt so einen Stamm in Nigeria, der sehr krass diesen Kodex sozusagen hat, dass sobald sie jemanden haben, der für sie aufkommt, der ihnen hilft, dass sie diese Person als ihren Helfer sehen und dass sie auf dem Modus sind, ey, dieser Person darf nichts passieren und wer auch immer dieser Person krumm kommt, mit der, die jetzt dann mit mir zu tun, ne, weil sie diese Person wirklich als ihren Schatz sehen, der für sie aufkommt und deswegen darf niemand diesen Schatz anrühren oder antasten und das ist halt ein teuflischer Kodex. Fast wie Idol. Genau. Ja. Mm-hmm. Whatever will happen, if that person is to die, they prefer to die. Mm-hmm. Dann that person to die. Und man opfert sich man würde sich sogar für diese Person opfern, sogar an ihrer Stelle. They call them my God. Mm-hmm. They will call them my God. Mm-hmm. Et au Nigeria, par exemple, il y a une tribu qui vit vraiment selon ce principe, selon que si une personne les aide ou s'il y a un membre de la famille qui est vraiment qui les aide, et si cette personne a un problème, c'est comme si toute la famille a un problème. Ils sont même prêts à se sacrifier eux-mêmes avant que cette personne meure ou quoi que ce soit, parce que pour eux cette personne est devenue leur dieu, cette personne est devenue leur idole. Ouais. Amen. Mm. You know, religion will not see that bad. But they will see something bad. You know, there's another tribe. These people, once somebody is their helper, they want to kill that helper so that they become the helper. Mm. I don't know if you... They want to kill that helper and get everything that belongs to the helper. Mm. So that they will now be the helper for other people that they choose. You understand me? But religion, the first helper, they will not condemn it. Mm. But they will condemn this. Mm. I hope you can see the difference. Yeah. Mm. Und Religion würde sowas nicht schlecht reden. Sie würde sagen, es ist doch gut, dass sich jemand für die Familie einsetzt und für die Familie da ist. Es ist gut, dass man so einen starken Familienzusammenhalt hat. Sie würden das gar nicht erkennen, was daran teuflisch ist. Aber wenn man in diesem Prinzip von diesem Stamm, geht es aber noch weiter, dass es dann Leute gibt, die diese Menschen, die dann ihre Götter sind, sogar umbringen möchten, damit sie selber dann diese Position haben, damit Leute dann genauso für sie dann halt kämpfen und sie als Gott sehen. Aber Religion würde dann das zum Beispiel dann wiederum verteufeln und das dann erst als schlecht ansehen, weil das ja ein offensichtlicher Mord da passiert, wenn eine offensichtliche ein offensichtliches Vergehen da passiert, wenn jemand umgebracht wird, damit man in seine Stelle eintritt. Et comme je disais, pour la religion, c'est pas quelque chose de mauvais, mais par exemple, il y a une autre tribu où c'est commun que s'il y a une personne qui a cette position, il y a toujours une autre personne qui veut avoir cette position, qui va même essayer de tuer cette personne ou même tuer cette personne. Et ça, la religion peut-être va le condamner, or que les deux cas sont mauvais devant Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. What kind of law should be our law? Gottes Liebe sollte unsere Art von Liebe sein. L'amour de Dieu doit être notre propre amour, l'amour qu'on doit à notre prochain. If Christ is love, we are love. Wenn Christus Liebe ist, dann sind wir Liebe. Et si le Christ est l'amour, donc nous aussi on est l'amour. Amen. Amen. The Bible said as he is, so are we right now. Wie er ist, so sind wir jetzt. Et la Bible nous dit que comme il est, nous sommes aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. I don't need your work or action to love you. Ich brauche nicht deine Werke oder deine Taten, um dich zu lieben. J'ai pas besoin de tes œuvres ou de tes actions pour t'aimer. Amen. Amen. I don't need your work or action to love you with God kind of love. Mm. Ich brauche nicht deine Werke oder deine Taten, um dich mit Gottes Liebe lieben zu können. Je n'ai pas besoin de tes œuvres ou de tes actions pour t'aimer avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. God kind of love is not end. Gottes Liebe kannst du dir nicht verdienen. Parce que l'amour de Dieu, tu peux pas tu peux pas le gagner ou le mériter. You don't work to get it. Arbeitest nicht, um sie zu bekommen. Tu travailles pas pour l'avoir. Amen. And without Christ Jesus, no one can love is love. Und ohne Christus Jesus kann niemand diese Liebe weitergeben. Et sans Jésus-Christ lui-même, personne n'est capable à aimer avec son amour. Again, for God so loved, for God so loved man, and not for God so trust man. Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab. Gott hat den Menschen nicht so sehr vertraut, dass er seinen eigenen Sohn hergab. Encore une fois, Dieu a tellement aimé le monde, donc aimé l'homme, et pas fait confiance à l'homme. C'est pour ça qu'il a. C'était pas la raison pour laquelle il a donné son fils. C'est parce que c'était à cause de son amour et pas à cause de sa confiance envers nous. The only true God can only trust us through Christ. Der einzig wahrhaftige Gott kann uns nur vertrauen durch Christus. Le seul vrai bon Dieu peut seulement nous faire confiance à travers Jésus-Christ. How you depend on his finished work. Wie wir uns auf sein fertiges Werk verlassen. Selon la manière dont tu dépends à son œuvre accomplie. His trust is based on your choice. Sein Vertrauen basiert auf deiner Entscheidung. Sa confiance envers toi est basée selon ton choix. Do you always choose Christ Jesus? Entscheidest du dich immer wieder für Christus Jesus? Est-ce que tu choisis toujours et répétitivement Jésus-Christ? Amen. I need your action to trust you. Ich brauche deine Taten, deine Handlung, um dir zu vertrauen. J'ai besoin de tes actions, de tes œuvres pour te faire confiance. Amen. Your choice must be Christ. Deine Entscheidung muss Christus sein. Ton choix doit être le Christ. And not, I don't lie, I don't steal, I don't fornicate. Und nicht, ich lüge nicht, ich stehle nicht. Und, are you getting it? Ich betreibe keine Unzucht. Ich bin ein guter Junge, ich bin eine gute Frau oder sonstiges. Et pas le fait que tu mens pas, que tu voles pas, que tu commets pas d'adultère ou que tu es une bonne personne en général, non. I want to see how you depend on the finished work of Christ. Ich möchte sehen, wie du dich auf das fertige Werk von Christus Jesus verlässt. So kann ich dir vertrauen. Et je dois voir que tu dépends à 100% de Jésus-Christ. It's not just depending on him once, continuously. Nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. See him, allow him to take decision in you and through you. Ihm vertrauen, dich von ihm leiten lassen, zulassen, dass er durch dich Entscheidungen trifft. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de. Non, tu dois vraiment. Je dois voir que tu dépends à 100% à Jésus-Christ et à son œuvre accomplie, que tu te laisses guider par son esprit, que tu permets qu'il prenne les décisions pour toi, à travers toi. Amen. Through your decision, I know who you choose. Amen. Christ or Satan. Deine Entscheidungen sehe ich, wen du wählst. Ob dich selbst, der auch der Satan ist, der Satan an sich oder Christus. Et à travers tes décisions, je peux voir qui t'a choisi. Est-ce que tu as choisi ta chair qui appartient au diable ou le diable ou Jésus-Christ? Amen. The Bible says we can judge. Die Bibel sagt, wir dürfen und sollen richten. Wir sind die Einzigen, die richten können. Et la Bible nous dit que nous sommes les seuls qui peuvent juger. On peut et on doit juger. Praise the Lord. Hallelujah. Where are we going? Amen. If you are not of the Spirit of Christ, you don't know the truth, you can judge nothing. Wenn du nicht vom Geist von Christus Jesus geleitet wirst, dann kannst du über nichts richten. Et si tu n'es pas guidé par Jésus-Christ lui-même, tu peux rien juger. On va lire 1 Corinthiens 2. Amen. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 15. But he that is spiritual judgeth all things. Yet he himself is judge of no man. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. There's a place that says, judge not that you may not be judged. Is it Matthew 7 or so? Es gibt eine Stelle, Matthew 7. Thank you. Da steht, dass du nicht urteilen sollst, weil dann über dich beurteilt wird. Matthäus 7. Matthäus 7 nous dit que, on va lire de toute façon. Amen. Amen. He said, judge not that you may, that ye be not judged. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Ne jugez point, Matthieu 7, verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Amen. Here is talking about man and religious people. Hier geht es um den Menschen, religiöse Leute. Und nicht, das, nicht die Familie vom Königreich. Mais ici, il s'agit de l'homme naturel et des gens religieux, mais pas des enfants de Dieu, pas du royaume des cieux. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Thessalonians, the book of Thessalonians, says, prove all things, judge all things. Thessalonica judge all things. Prüft alles und urteilt über alles. Et dans Thessaloniciens, il est écrit qu'on doit tout juger et tout éprouver. Amen. Again, back to 1 Corinthians 2. Verse 15. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. No one can judge Christ. Niemand kann Christus richten. Personne peut juger le Christ. You know, they try to judge you. And they are going to judge in the flesh. Sie versuchen über dich zu richten, aber sie werden im Fleisch richten. Ils vont essayer de te juger, mais leur jugement sera charnel. Are you getting it? Yes, you have something to say. Yeah, you can see, believe, you know, we judge. Depends, you know, it's not you don't judge. You judge. Wir richten. On juge. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you are of Christ, you are to judge. Wenn du zu Christus gehörst, musst du richten. Denn es gibt einen Feind, der Menschen kontrolliert, der ihre Leben kontrolliert. Si tu appartiens au Christ, tu dois juger, parce que tu dois discerner l'esprit qui est en train de guider l'homme.